The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To make a lot of ink flow. Faire couler beaucoup d'encre. GMO. L'organisme génétiquement modifié. To touch upon. Aborder. Genetic engineering. Le génie génétique. Crossbreeding. Le croisement. Species. L'espèce. DNA. L'ADN. A state of the art. De pointe. Controversy. La polémique. Stake. L'enjeu. Malnutrition. La sous-nutrition. Interference. L'ingérence. To prevail over. Prendre le pas sur. On the face of it. A priori. Biodiversity. La biodiversité. Clarification. L'éclaircissement. Now, a bit faster. Clarification. L'éclaircissement. Malnutrition. La sous-nutrition. Controversy. La polémique. Interference. L'ingérence. Genetic engineering. Le génie génétique. Malnutrition. La sous-nutrition. Biodiversity. La biodiversité. Controversy. La polémique. Species. L'espèce. GMO. L'organisme génétiquement modifié. Biodiversity. La biodiversité. A state of the art. De pointe. DNA. L'ADN. Biodiversity. La biodiversité. To make a lot of ink flow. Faire couler beaucoup d'encre. On the face of it. A priori. GMO. L'organisme génétiquement modifié. Clarification. L'éclaircissement. On the face of it. A priori. Interference. L'ingérence. Malnutrition. La sous-nutrition. GMO. L'organisme génétiquement modifié. To touch upon. Aborder. Controversy. La polémique. GMO. L'organisme génétiquement modifié. DNA. L'ADN. Controversy. La polémique. GMO. L'organisme génétiquement modifié. Stake. L'enjeu. DNA. L'ADN. Interference. L'ingérence. GMO. L'organisme génétiquement modifié. Now, use the words in context. De pointe. This state-of-the-art technology will be serving patients suffering from leukemia. Cette technologie de pointe sera mise au service des patients atteints de leucémie. La polémique. Politicians willingly spread that controversy to avoid speaking about governmental problems. Cette polémique a été volontairement enflée par les hommes politiques pour éviter de parler des problèmes du gouvernement. L'enjeu. The meeting between those two heads of state represents a major challenge for the political situations of both countries. Cette rencontre entre ces deux chefs d'État représente un enjeu majeur pour la situation politique de ces pays. L'ingérence. This experiment is an interference into a natural process. Cette manipulation est une ingérence dans un processus naturel. Prendre le pas sur. She is afraid that his passion for music will take precedence over everything else. Elle craint que sa passion pour la musique prenne le pas sur tout le reste. La polémique. Politicians willingly spread that controversy to avoid speaking about governmental problems. Cette polémique a été volontairement enflée par les hommes politiques pour éviter de parler des problèmes du gouvernement. L'enjeu. The meeting between those two heads of state represents a major challenge for the political situations of both countries.